En signe de félicitations au lancement expérimental de la fusée balistique stratégique sol-sol de moyenne et longue portée façon 10 de la Corée du Sud, le Front populaire des ouvriers, paysans et étudiants du Pérou a publié une déclaration, alors que le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le comité suisse-corée et le cercle d'études des aides du Tutsé de Suisse, une déclaration commune.